Bonsoir à tous les habituels du dimanche soir qui écoutent notre programme de prédilection, Le Train de la Musique. Encore une fois, je prends plaisir à vous dire que pour moi, c'est vraiment un honneur de rentrer chez vous et de vous faire écouter mes sélections choisies pour votre délice. Le Train de la Musique, comme vous le savez tous, est un programme culturel que vous présente la UDO, la meilleure station de tout le nord de Sinaloa. Programmation riche et très variée, qui facilite à tous ceux qui nous écoutent d'apprendre quelque chose qui leur est particulier. Le Train de la Musique est programmé de telle façon que tous nos élèves qui apprennent le français ici à Mochis et aussi ceux qui aiment cette langue si douce, si amoureuse, d'écouter non seulement des voix nouvelles, de nouveaux accents. Je veux parler de nos chanteurs. C'est pourquoi j'exhorte à tous mes amis et surtout à mes élèves de ne pas manquer de l'écouter tous les dimanches soirs de 8h à 9h sur la 820 AM, la meilleure station de Mochis. Avant de commencer, je saluerai tous nos auditeurs de Miami, Robert et Hélénise, Freja, pour leurs commentaires encourageants. Nous dirons aussi merci à Jackie, qui vit maintenant à Boston, à Franzi, qui habite Redwood City, Californie, à M. Robert Bance, pour ses conseils techniques, à Danny, mon cher fiston, qui est mon chien de garde et qui me conseille à chaque coin de rue. À Carla, qui travaille maintenant à Culiacan et qui nous écoute. À Verna et Sergo, qui vivent maintenant à The Village in Central Florida. Et pour compléter la liste de remerciements, nous dirons un gros bonsoir à Ronnie, qui nous écoute à la Martinique. Ronnie est aussi radioamateur. Ses lettres d'appel sont FG5FU. Il est de la Martinique. Et il m'a demandé de lui jouer un morceau de son île natale. Ronnie, je le ferai. C'est une promesse. Écoute le programme et tu verras. Je ferai connaître ton pays ce soir, je te le promets. Et pour déraper avec le train ce soir, pour notre randonnée dominicale, nous débuterons avec notre chère Nana, qui nous chantera un thème bien connu, même en espagnol, et qui s'intitule « Cucuru Cucu ».

Et maintenant que nous sommes ensemble et que nous voyageons à bord du train de la musique, pourquoi ne pas accrocher une larme au nuage et à ton visage si tu pleures de joie et de plaisir? Fais-le, montre-le-moi et tu te sentiras mieux. Accroche une larme au nuage et laisse le vent l'emporter. Bergère, tu n'es pas très sage et le vent l'a raconté. Accroche une larme au nuage et je l'accueillerai au réveil. Je la ferai couler sur ton visage et la pluie sera mon soleil. Le vent n'ose plus me parler de toi. Cacher en attendant demain. Accroche une larme au nuage pour que le vent se mette à danser. Je lui donnerai comme gage de courir, te couvrir de mes baisers. Tu es là tout près de moi. Pourquoi ne pas te chanter la balade des gens heureux? Puisque tu es heureuse, tu es bien installée au creux de mon épaule et qu'on roule ensemble en douce dans le train de l'amour, le train du plaisir, le train de l'enchantement. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue,

ta la la la la la la la ta la la la la la la la la. Conducteur vient de me faire signe. Il faut qu'on s'arrête pour un moment. Car c'est comme à l'ordinaire. Il faut que certains passagers descendent, il faut que d'autres montent. Donc, nous allons nous arrêter juste pour quelques secondes. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, ne quittez pas l'écoute. Hein? Restez avec nous et on sera de retour avec vous pour juste quelques instants, ok? Ne partez pas. À tout à l'heure. Merci.